dans une série de la Fabrique de l'Histoire sur la guerre du Vietnam à l'occasion de la diffusion sur Arte à partir de ce soir et pendant 3 soirs de la série documentaire événement de Ken Burns et Lynn Novick sur cet énorme conflit du XXe siècle. Et pour ce deuxième épisode de notre série sur la guerre du Vietnam, nous nous rappelons qu'en 1998, France Culture et les radios francophones publiques lançaient une grande série documentaire de 10 heures sur cette même guerre du Vietnam qui faisait suite aux deux séries de Patrice Gélinet et Christine Bernard-Sugy sur les dernières guerres coloniales de la France, l'Algérie et l'Indochine. Grâce au travail de Sylvain Desjardins de Radio-Canada qui se chargea d'interroger les témoins américains de cette guerre et aux entretiens que les militaires et responsables des mouvements politiques vietnamiens nous avaient accordés, nous tentons donc de rendre dans une réalisation signée Marie-France Thivault la complexité de cet engrenage guerrier. L'épisode que nous vous proposons en réécoute aujourd'hui s'arrête sur les années 1966-1967. Nous nous interrogeons sur l'usage des mots et de la propagande des deux côtés du front avec le docteur Oa, Anne Evans, Jean-Michel Krivine, Trinh Consoen, Nguyen Bao, Barry Zortian, John Randall, Arthur Eggendorf, Bui Tin et Pran Lam. Les mots de la guerre, 1966-1967. Docteur Oa. J'ai vu le napalm, qui est une chose horrible. J'ai vu les bombes au phosphore, qui est encore plus horrible. J'ai vu les produits toxiques. Bon, l'agent orange, il est difficile. Il aurait fallu faire les travaux quand nous étions là-bas. On ne sait plus. Il n'y a personne pour présenter ces enfants qui naissaient avec deux têtes, n'est-ce pas, que j'ai vu moi. Vous voyez, on parle des bombardements, n'est-ce pas. Mais est-ce que j'ai vu moi les blessés avec les bombes à billes, qui est une chose horrible. Déchiquetés, complètement déchiquetés. Et vous arrivez et vous vous trouvez devant quelque chose qui parle, mais vous ne voyez pas plus le corps. C'était quelque chose d'horrible. Vous voyez, quand on en parle maintenant, on se dit... C'est pour ça que je vous dis, moi je suis profondément contre la guerre, ayant vécu la guerre. Parce que je crois que quand on le dit seulement, il est difficile de voir cette image. Il faut l'avoir vécue. Bombe au phosphore, bombe goyave, agent orange, mine bouncing Betty, bombe ananas, napalm. Avec l'intensification de la guerre du Vietnam dans les années 66-68, le monde entier découvre, ou croit découvrir, le napalm a déjà été utilisé à la fin de la guerre d'Indochine par les Français, tout un nouveau vocabulaire technique, chirurgical de la guerre. Ces noms communs, alliés aux patronymes des responsables américains, Johnson, McNamara, Westmoreland, deviennent alors de très bons slogans. Par leur seule énonciation, ils doivent résumer les misères d'une guerre déchaînée, où les civils paient plus que les militaires. Car tandis que l'armée américaine baptise à tour de bras de nouvelles opérations, Hastings, Prairie, Attleboro, Cedar Falls, Junction City, ou de nouveaux matériels, le pistolet à silencieux Hush Puppy, l'hélicoptère UA Cobra, les manifestants hurlent leur opposition au conflit. En Europe, les gauchistes crient « FNL vaincra » tandis que les communistes avancent prudemment paix au Vietnam. Au bout du compte, tous se retrouvent sur un US assassin simple et unificateur. Diane Evans était infirmière au Vietnam. I have a very vivid memory from that. One vivid memory from that first experience and I was just on this. Je garde un souvenir très vif de cette première expérience. I had learned enough and they sent me over to the burn unit. Je n'étais en service que depuis 3 mois quand ils m'ont envoyé au service des grands brûlés au 36e hôpital d'évacuation. And these were primarily victims of napalm and white phosphorus. C'était les premières victimes du napalm et du gaz au phosphore blanc. Une de nos bombes est tombée sur un village. Des civils innocents ont été tués et blessés. C'était la nuit de Noël, une église a été détruite dans le village. On nous a amené 50 enfants qui étaient gravement brûlés. who were severely burned, and we lost many of them. Beaucoup sont morts. And the others we brought into our unit. And I had Les autres ont été amenés dans notre service. I had never cared for this type of burns before. And je ne m'étais jamais occupée de ce type chaotic. De brûlure auparavant. It was people were screaming. The pain was C'était chaotique. Les gens criaient, la souffrance était insoutenable. Je suis restée un mois dans ce service. C'était dur. J'ai pensé, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on fait ? Le napalm provoque des brûlures profondes extrêmement graves. Docteur Krivine. Lorsque le brûlé a été opéré correctement, et au Vietnam, il y avait de grosses difficultés pour faire des greffes de peau. Enfin bon, je passe sur les détails techniques, mais c'était extrêmement difficile. Même lorsqu'on a été opéré correctement, il y a des séquelles, c'est-à-dire des cicatrices hypertrophiques, que dans notre jargon chirurgical, on appelle des kéloïdes. Ce sont des cicatrices difformes qui marquent pour la vie les gens qui en sont atteints. Et on n'avait pas la possibilité de les opérer, bien évidemment. Donc et en plus, alors ça, c'est pour les gens qui survivent. Mais le napalm carbonise quand il tombe directement sur le corps. Il carbonise. J'ai parlé avec des gens dont les enfants, dont la famille, dont, etc., ont été complètement carbonisés par le napalm. C'est donc une arme absolument criminelle, le napalm. Fusil lance-grenade Blue Gun M79. Portée 400 mètres, vitesse initiale de 75 mètres seconde, chargée d'une grenade explosive ou de 45 fléchettes en forme de dard. Fusil d'assaut M16. Calibre 5,56, 800 coups minute, chargeur de 30 cartouches. Système d'armes Stoner M63A1. Calibre 5,56, chargeur de 20 à 150 cartouches, 660 coups minute. Mine antipersonnelle Claymore M18A1. Mise à feu à distance, contient 700 billes d'acier qu'elle disperse à 60 degrés. The physical therapy department, the physical therapist who worked in this unit, she had whirlpools, water. Le département de thérapie physique disposait de piscines où s'asseyaient les patients. L'eau aidait à traiter les brûlures. Tous les jours, on les débridait. On leur ôtait les peaux mortes avec des instruments chirurgicaux. Cela aidait la peau à se régénérer. Maybe we could give them an injection or do on pouvait toujours leur faire des injections pain, pour soulager la souffrance, mais on ne pouvait pas leur parler. Je ne parlais pas le vietnamien. Mais ils pouvaient voir dans nos yeux et sur nos visages que leur sort nous importait. Yêu quê hương nên yêu người yêu kém người con gái ngồi mơ thanh bình yêu quê hương như đã yêu mình. Les bombes à billes sont des petites bombes. L'une s'appelle bombe ananas, l'autre plus perfectionnée s'appelle bombe goyave. Ce sont des petites bombes grosses comme le poing et qui contiennent dans leur paroi des petites billes d'acier, 300 ou 200 billes d'acier. Alors, les bombes, par exemple, prenons les bombes ananas, elles sont contenues à, je ne sais plus le chiffre exact maintenant, j'ai pas revu, mais environ 300 bombes ananas sont dans une grande enveloppe qui est une bombe mère. L'avion lâche la bombe mère, celle-ci s'ouvre, les bombes filles tombent, les bombes goyaves sont recouvertes de reliefs hélicoïdaux qui les font tourner. Et quand elles tombent, elles explosent et les billes se répandent tout autour. Et alors ce sont des bombes typiquement antipersonnelles. Et j'ai pu remarquer qu'on avait lâché ces bombes sur les habitants, c'est-à-dire dans la campagne, dans les rizières, sur les écoles, j'ai photographié des bombes à billes dans des hôpitaux. Enfin, ça a été utilisé partout pour tuer les gens. Piège à tigre. Râteau de bambou effilé basculant sous le poids d'un homme. Piège à con. Balle posée sur une planche cloutée, enfoncée tête en l'air dans le sol, elle explose dans les pieds de celui qui marche dessus. Grenade F1 de 600 grammes. D'un rayon d'action de 20 mètres, distance de jet 35 mètres. partir de 1966-67. Trinkonson. Moi, je commence à écrire des chansons anti-guerre. Voilà. Parce que à partir de 1967, 60, surtout 68, la guerre s'aggrave. Voilà. Et puis, il y a quelque chose de très lourd dans le cœur. Et puis, la guerre pèse lourd sur la vie de chaque jour. Et à ce temps-là, moi, j'ai écrit une cinquantaine de chansons anti-guerre. Alors, que disent-elles ces chansons, ces 50 chansons anti-guerre? Qu'est-ce que vous y dites? Je souhaite la rééducation d'abord, la paix. Et dans toutes ces chansons-là, je suis toujours contre la guerre. Celles qui ont eu le plus de succès à cette époque-là, elles s'appelaient comment et... En même temps, en ce temps-là, les Japonais, ils ont enregistré une dizaine de mes chansons. Et il y a une chanson qui... j'ai obtenu un disque d'or au Japon en 1969 avec une chanson intitulée « Mouricone, une berceuse ». La mère berce un guerrier qui est deux fois dans sa vie. Et puis la première fois, c'est comme un petit bébé. Puis la deuxième fois, mort dans la guerre. On le savait, ça, du côté vietnamien, on savait très bien que se réunissaient dans les phongkals, c'est-à-dire les salles de thé, mais en fait, c'était comme des dancing sans danse. Philippe Franchini. Où les jeunes vietnamiens venaient boire un verre, écouter des chansons, en particulier du fameux Tien Kong Chen, qui étaient des chansons anti-guerre, mais il paraît que Théo lui-même écoutait ces chansons-là, qui au fond exaltaient à la fois, vous savez, avec la mélancolie vietnamienne, déplorer la perte de l'identité et exalter l'amour. Mais d'un autre côté, il y avait l'invasion du rock américain quand même. Il y avait les Doors. Les Doors. Par exemple, la nuit pendant le couvre-feu, on entendait la musique des Doors. Et c'était quand même impressionnant d'entendre la musique des Doors, Inside My Friend. Alors que dans le fond, on entend l'hélicoptère ou les avions sans arrêt. Qu'est-ce qui fait, est-ce que vous vous souvenez de ce qui a déclenché chez vous l'envie d'écrire contre la guerre? À partir de quel moment et qu'est-ce qui vous a poussé à écrire contre la guerre alors qu'auparavant vous n'écriviez pas parce sur que ce sujet? Trop de morts chaque jour, trop de morts. Il y a beaucoup de morts. Il y a la mort des autres et la mort de mes amis aussi. J'ai l'impression que j'ai vécu dans un enfer où il y avait sans cesse des cris, des douleurs, des sons qui souffraient. Les bruits qu'on entend chaque jour, c'est quoi? Bruit des bombes, des canons de chaque nuit et la mort des autres. Devant la contestation qui monte, à l'étranger mais aussi chez les étudiants, les Américains conseillent au gouvernement militaire de Saïgon de se donner un aspect plus démocratique. Il faut organiser des élections. Elles auront lieu en 1967 et donneront bien sûr la victoire au gouvernement en place de Nguyen Van Thieu et de Nguyen Cao Ky. Les candidats de l'opposition ont été soigneusement sélectionnés par le pouvoir et malgré cela, un avocat, Truong Dinh Du, termine second avec 17% des suffrages avant d'être emprisonné puis relâché par le tout nouveau président Thieu. Car les Américains ne veulent pas connaître une nouvelle affaire Ngo Dinh Diem, le pays qu'ils supportent doit avoir les apparences d'un pays démocratique à l'occidental. Nous souffrions en ce moment-là certains handicaps au point de vue politique. Bouydième. Mais quand même, durant les années de 66, durant les années de 67, on parvenait quand même à organiser des élections. Des élections présidentielles d'abord, des élections sénatoriales ensuite, et puis même des élections locales. Tous ces efforts, n'est-ce pas, parvenaient à donner au Sud-Vietnam une certaine légitimité internationale. Je voyageais très souvent durant cette période de temps, parce que j'étais secrétaire d'État aux affaires étrangères. Et je remarquais que dans le contexte des relations internationales entre le bloc communiste et le bloc occidental, le monde occidental comprenait les difficultés du gouvernement vietnamien à ce moment-là, et dans une certaine mesure, n'est-ce pas, accueillait les efforts sincères du gouvernement vietnamien pour donner une face légitime au Sud-Vietnamien à ce moment-là. Vous n'avez pas l'impression, M. Zhu, que ces élections-là sont un petit peu hâtives? Oui, certainement, c'est très hâtive. Et il y avait un complot, si je peux dire, de la part des généraux d'avoir organisé en même temps les élections présidentielles et les élections sénatoriales. C'est vraiment au début toute une comédie, car on ne peut pas concevoir que le peuple puisse choisir le même jour 11 listes électorales présidentielles et 48 listes électorales sénatoriales. Concevez-vous que le petit paysan, il entre dans le poll box avec 59 bulletins sur les bras et ne sait pas qui choisir. Paradoxalement, je dirais que au Sud-Vietnam, en pleine guerre, lorsque le Sud-Vietnam était occupé par un demi-million de soldats américains et un million de soldats sud-vietnamiens, je peux le dire très calmement, moi qui prenais parti pour le Front National de Libération du Sud et la République démocratique qui régnait sur le Nord, je dis objectivement qu'à Saigon, dans ces années, il y avait plus de liberté démocratique qu'à Hanoï. C'est tout à fait normal. Le régime américain, n'étant pas populaire, n'étant pas soutenu par la population, était obligé de lâcher quelques morceaux pour instituer un modus vivendi avec la population. Alors que le régime du Nord n'avait pas besoin. Et il avait besoin du contraire pour mobiliser les forces. Il y avait une petite place pour des éléments démocrates. Monsieur le Premier ministre, on assiste à cette campagne et on trouve qu'il y a une très grande différence de moyens entre l'opposition pour faire sa campagne et les candidats militaires. Qu'est-ce que vous avez à dire à ce sujet? En tant que chef de gouvernement, j'ai essayé de fournir tous les moyens nécessaires pour les candidats civils. Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous continuez de penser que des élections au Sud-Vietnam, à ce moment-ci, alors que la guerre se poursuit, alors que les troubles sont considérables, est-ce que vous trouvez que c'était le moment de faire des élections? Oui, même c'est pendant une très difficile période, mais c'est nécessaire et nous essayons. Et vous croyez que de cette façon-là, le Vietnam fera un pas en avant avec ces élections? Oui, oui. Vers la paix? Vers la victoire. De qui? De nous, bien sûr. Le F4 Phantom. Vitesse maximum 2376 km/h, équipé de 4 missiles RR AIM-7 Sparrow et de 2 AIM-9 Sidewinder. Peut emporter jusqu'à 7200 kg de bombes. Hélicoptère Boeing Vertol CH-47. 185 km de rayon d'action, 9351 kg, 2 lance-grenades de 40 mm, roquettes de 69,9, 2 canons de 20 mm, 5 mitrailleuses de 12,7. Hélicoptère Bell UH-1C. Armé de 4 mitrailleuses de 7,62 et de 38 roquettes de 69,9. Quel est le but de cette opération ? Les Vietcong ont pénétré soit pour des ravitaillements, soit pour taxer la population. Alors, cette opération, ce matin, a pour but de détruire ou bien de chasser les Vietcong qui se trouvent à côté de province qui s'appelle Duc Hoa. Mais nous avons déjà abattu là plusieurs Vietcong dans la rizière. Ils nous ont tiré dessus. Ils ont tiré 3-4 balles. Ces Vietcong, ils essayent de nous échapper. Seulement, c'était trop tard. Ils ont été obligés de nous tirer dessus. Et l'hélicoptère, ils ont descendu 5. Ça ne vous fait pas mal au cœur de voir des compatriotes à vous qui sont morts comme ça dans la rizière et qu'on tue tous les jours? Écoutez, c'est la guerre. Tuer ou être tué. Eux, ils reçoivent des armes des Chinois, des Russes. Et il faut bien en finir. Mais vous recevez des armes des Américains? Naturellement. Parce que, écoutez, entre nous, Vietnamiens, on sait qu'on n'y peut rien. C'est pas nous qui décidons cette guerre. Mais puisque c'est la loi de la guerre, tuer ou être tué. Si nous, nous ne les tuons pas, un jour ou l'autre, ils vont nous tuer. Le petit milieu des correspondants de presse à Saïgon a connu depuis le début de la guerre américaine un élargissement de son horizon. Des photographes, des caméramans et des journalistes américains, pour la plupart, ont envahi le paysage au même rythme que les GIs. Ils ne restent pas longtemps dans la capitale sud-vietnamienne car la guerre du Vietnam inaugure une nouvelle façon de concevoir l'information militaire. Tous les soirs, les correspondants se réunissent pour le compte-rendu des actions du jour. C'est ce qu'ils appellent les 5 o'clock follies. Et le lendemain, ils repartent dans des hélicoptères sur les zones de combat. Le tout est coordonné par une sorte de ministère de l'information de l'armée américaine à Saïgon, dirigé par Barry Zortian. Mais en agissant ainsi, le pouvoir américain se met dans une position délicate. Il souhaite que les citoyens des États-Unis en sachent le moins possible sur l'engagement réel des Boys, mais laisse les journalistes accéder librement au théâtre des opérations. Je me trouve dans le ventre de la baleine, c'est-à-dire à l'intérieur d'un C-130. Le C-130, cet immense routier du ciel qui peut transporter des camions, des jeeps, des canons et bien entendu des Marines. Et de Da Nang, à bord de cet énorme appareil, je me rends dans le domaine des Marines, la zone démilitarisée de 17e parallèle. Le paysage des deux côtés de la piste est particulièrement triste parce que les quelques maisons que l'on voit de temps en temps ont été brûlées, incendiées et qu'également toute la jungle qui entourait cette piste a été rasée, défoliée et ensuite la terre a été reculée et rendue plane par des bulldozers. De temps à autre, on voit sur le bord de la route des douilles d'obus de petit calibre, c'est lors de passages précédents lorsque les blindés qui sont à la tête du convoi ont dû répondre à une attaque. Mes instructions étaient très claires, données par écrit par le président américain et avalisées par le Conseil national de sécurité. Barry Zortian. La phrase clé était accorder un maximum de confiance et assurer un minimum de sécurité. J'avais l'autorité pleine et entière quant à ce qu'on pouvait dire ou faire au Vietnam. J'avais une approche à la fois pragmatique et à la fois de principe. Il y avait tant de fuites au Vietnam qu'il était impossible de garder secret quoi que ce soit. Pour rendre compte de l'effort américain et des difficultés des Vietnamiens, la meilleure approche, à mon sens, était de rendre toute information disponible. C'était une guerre faite au grand jour. Les correspondants étaient libres. Ils pouvaient aller où ils voulaient, parler à qui ils voulaient, envoyer ce qu'ils voulaient, et ils en profitaient. Il y a eu des tentatives de censure, mais je m'y suis toujours opposé. À part quelques correspondants isolés, déclarés persona non grata, et des visas refusés, les médias avaient accès à tout au Vietnam. La guerre du Vietnam était une guerre curieuse pour la presse. John Randall. On pouvait aller n'importe où, on pouvait écrire n'importe quoi, on pouvait voir tout ce qu'on voulait. Il n'y avait aucune censure, il n'y avait aucun effort de vous empêcher de faire quoi que ce soit. Pourquoi, selon vous ? Parce que je crois que les Américains, le gouvernement, les militaires américains au début étaient tellement confiants, c'est-à-dire... On est les good guys, on est les bons. Et, toute la presse va voir qu'on est de bon côté, donc il était impossible qu'on nous critique. Et une fois qu'on avait adopté cette politique, il est très difficile d'imposer un censure quelconque. In no previous war and no subsequent war has the commanding general. Jamais des généraux en chef n'ont eu à faire face à des opérations aussi ouvertes aux médias. Personne, autant que Westmoreland, ne s'est préoccupé de la couverture médiatique. Une des erreurs qu'a fait le président Johnson a été de ne pas mobiliser l'opinion publique. Il y avait en même temps le projet de la Grande Société et la guerre. L'administration aurait dû impliquer plus le peuple américain. Vous évoquez la guerre perdue par la presse. Les grands journalistes de la guerre, David Halberstam, Peter Arnett, Neil Sheehan et Malcolm Brown, étaient très critiques. Dès 1963, avant 1964, et même à l'encontre de la résolution du golfe du Tonkin, qui pourtant avait été votée par le Sénat américain, à l'unanimité, moins de voix. Les gens pensent que la couverture télévisée était néfaste. Pourtant, des études ont montré que si vous étiez favorable à la guerre, elle renforçait votre soutien. Au contraire, si vous étiez contre la guerre, la télévision renforçait votre opposition. Comme au temps de la guerre française et de l'Américain bien tranquille de Graham Greene, les nouvelles recueillies à Saïgon ne sont pas toujours bien exactes. Information et intoxication vont de pair. Dans la capitale sud-vietnamienne, on espionne à tout va. La CIA fait même installer, par quelques plombiers, un système d'écoute dans le bureau du président Nguyen Van Thieu lui-même. Arthur Eggendorf. En 1967, j'ai reçu l'avis de l'American American qu'ils m'obligent d'entrer dans l'armée. Et j'ai choisi d'entrer dans ce que je croyais serait un programme d'études de région, puisque à ce moment-là, j'avais fait mes études de l'économie à Harvard et un peu de temps Sciences Po à Paris. Mais une fois que j'ai terminé l'entraînement, ce qu'on appelle basic training pour tous les soldats, je suis arrivé à l'école des renseignements et un major annonce « Voyez, vous serez les espions. Si vous n'aimez pas ça, vous avez le choix. Vous pouvez quitter cette école et vous serez réaffecté selon les besoins de l'armée. Alors, j'ai choisi de rester en place. Et après 6 mois, j'étais envoyé au Vietnam. Et vu que je parlais français, on m'a affecté à Saigon, où je me suis trouvé avec un programme qui spécialisait à travailler avec des citoyens français qui vivaient en Indochine. Et j'ai recruté plusieurs anciens combattants de la guerre en Algérie, qui étaient mon agent, qui étaient mes agents. Mes agents, les trois gens qui étaient un peu plus âgés de moi, ils avaient peut-être 28, 30 ans. J'avais 23 ans pendant cette année. Ils étaient partis de l'OAS et ensuite emprisonnés, ensuite amnistiés par De Gaulle, ensuite mercenaires en Mozambique, Angola. Ils venaient de leurs propres efforts au Vietnam pour aider ce qu'ils croyaient était la grande cause anticommuniste. Il y avait un parmi eux qui appartenait au parti l'Occident pour la suprématie de l'homme occidental. Il était un peu fou, je croyais. Il était extrême droite. Les deux autres étaient des bons gars, les gens très humbles, les spécimens rares. Et c'était mon travail d'avoir des rencontres avec eux et de les envoyer au Cambodge, où ils avaient fait des photos et trouvé des renseignements au sujet de la piste Ho Chi Minh. Et ils y retournaient à Saigon, où j'ai rassemblé les photos, etc., pour l'armée américaine. Qu'est-ce que vous avez appris au cours de ces missions? Pas beaucoup. À vrai dire, pas beaucoup. Ouais, il y avait des camions, mes espions ont fait des photos de l'air à plaque. Je pouvais donner les preuves que... Ouais, c'était des camions qui venaient. Ce que j'ai appris, le plus important, je crois, est que ce que l'armée voulait pendant ce temps, c'était la force politique de convaincre le gouvernement de faire ce que Nixon a finalement fait en 1970, c'était de faire des bombardements. Et l'invasion de Cambodge. Le département d'État ne voulait pas, pour des raisons diplomatiques, avoir une invasion de cette dimension. L'armée, par contre, le voulait. Comment faites-vous pour rester si calme en pleine guerre alors que vous êtes perdu comme nous ici en pleine brousse? Oh, vous êtes accoutumé à le bruit et toutes les autres choses. C'est un mode de vie, je crois. Est-ce que vous êtes heureux pendant cette guerre? Non, parce que il va trop doucement. Vous voudriez qu'on fasse la guerre plus vite? Oui, parce que... Je crois que tous les Américains et tous les alliés ici voudraient retourner les familles. Colonel Buiti, n'aviez-vous des gens pour vous renseigner sur la stratégie américaine, justement des gens qui étaient peut-être même à l'état-major de général Westmoreland, qui vous servaient d'officier de renseignement et qui vous disaient... Les futures attaques, les futures opérations américaines. Oui, en ce temps-là, nous avons des superbes espions. C'est mon ami Famson Han qui est mon ami très cher, il a été promu en 1976 comme héros de l'armée populaire. C'est moi qui l'ai amené chez Zapp pour que Zapp le reconnaisse. Puisque pendant la guerre, c'est lui qui a envoyé pas mal de documents. Il a été dans les hélicoptères militaires américains pour faire des photos, n'est-ce pas? Plusieurs films entiers, des centaines de photos au cours des opérations. Et le soir même, toutes ces pellicules étaient envoyées à Kuchi pour être à Phnom Penh le lendemain, et le lendemain encore à Hanoï, pour que nous, à l'état-major général, après 2 jours, nous avons déjà des clichés entiers des campagnes américaines. C'est Thompson Hunt qui l'a retiré. Il a été officier et il était resté au sud. Il a été comme journaliste formé aux États-Unis et revenir à Saigon pour travailler pour le Time magazine. Le Time et le Life, c'est lui qui entre dans le palais présidentiel, dans le Marquis, il est reconnu par tous les officiers, tout ça, puisqu'il est considéré comme un agent de la CIA, le fameux agent de la CIA. Il sort et c'est lui qui donnait les documents les plus précieux. Est-ce qu'il vous arrive quelquefois d'avoir peur dans cette guerre? Peut-être, parce que après cette année, j'espère retourner à l'États-Unis. Oui, j'ai un peu de peur ici. Ces fusées qui descendent sans arrêt, est-ce qu'elles ne sont pas aussi dangereuses pour nous ici que pour les Vietcong qui sont en face? Nous sommes entranchés ici. Les Vietcong ne peuvent, nous voyons, de la batterie. Ça va être comme ça. Ça va être comme ça toute la nuit? Oui, toute la nuit. The material was basically designed to appeal. Marie Zortian. La propagande s'adressait aussi bien aux Viet Cong qu'aux unités nord-vietnamiennes qui arrivaient au sud. To reject their organization and turn themselves in. Elle visait à les faire changer de camp. Cela s'appelait le programme Chu Hoi. Un des slogans récurrents était « Né au Nord pour mourir au Sud ». Ce programme était efficace. People on the other side, soldiers and partisans, if you will, turning themselves in. En quelques années, on a vu plus de 15 000 hommes, tant soldats que partisans, changer de camp pour nous rejoindre. Le gouvernement du Sud-Vietnam avait mis en place un programme qui poussait les soldats du Nord à retourner dans leur village. À l'époque, la plupart des Vietnamiens vivaient dans des hameaux. Ils vivent maintenant en ville. Ces habitants des hameaux n'étaient pas plus sensibles à la propagande du gouvernement sud-vietnamien qu'à celle des Viet Cong du Nord. Souvent, ils agissaient et ne donnaient leur soutien à la guérilla que contraints et forcés. Porque usted presidente Ho Chi Minh, poeta Ho Chi Minh, sereno campesino vietnamita Ho Chi Minh. Intoxication, désinformation, renseignement. Si à ce jeu les Américains sont moins armés que les Vietnamiens eux-mêmes, En 1968, ils n'ont qu'un agent d'importance du côté des Viet Cong. Ils ne sont pas non plus très habiles au maniement de la propagande. Pris en tenaille entre une volonté de transparence vis-à-vis de la presse et la nécessité de promouvoir l'efficacité de leurs actions militaires grâce au décompte des corps ennemis, le body count, les responsables des services d'information de l'armée américaine ne parviennent pas à contrer la propagande directe et têtue des Nord-Vietnamiens. Disques et concerts de soutien au peuple vietnamien en Europe et aux États-Unis, guerre des ondes dans le sud-est asiatique, Pran Lam était alors directeur de la Voix du Vietnam. Pour l'extérieur, nous avons Ong Salang. C'est-à-dire, pour rien qu'en anglais, c'est trois destinations avec trois programmes différents. Les soldats de l'armée de la 7e flotte. Ah, ça, c'est très célèbre. La speakerine à ce moment-là, s'appelle Hương Liên. La speakerine était très reconnue par les officiers et les soldats de la 7e flotte. Il l'appelait Hanoyana. Oui, c'est ça, Hana. Alors, il y avait donc une chaîne pour les soldats de la 7e flotte. Pour les soldats. Une chaîne pour l'Asie du Sud, du Sud-Est. Parce que nous savons que beaucoup de gens connaissent l'anglais. Et une chaîne spécifique pour la population américaine, c'est-à-dire les parents, les femmes, les mères, les pères, les papas, des soldats espionnés américains. Comment c'est ça. Alors, nous avons signé avec Cuba un accord. Alors, Cuba nous aide à émettre et nous envoyons là-bas encore de 5-6 personnes, camarades, venir à Cuba. Ils nous donnent la maison, toutes les nécessaires pour le travail. Et puis, chaque journée, plusieurs fois, nous envoyons par Telex le contenu. Et par avion, nous envoyons les recordeurs, et puis tout ça pour la musique, et puis tout ça. Et puis, à là-bas, les camarades cubains nous aident à émettre. Mais pour le contenu, alors nous avons utilisé les étudiants américains, des acteurs. Il y a beaucoup d'étudiants qui protestent contre la guerre anti-vietnamienne. C'est pourquoi il est pourchassé, alors il passe à Cuba. Quand je parle aux VIs, je me présente, je suis tout sở dĩ mà có cái tên Hà Nội Hana thì tôi biết được qua một số các cái si j'ai ce surnom Hà Nội Hana. Il m'a été donné par les correspondants américains. C'est un nom qu'ils m'ont donné. Je pense qu'ils me l'ont donné parce que ce programme est issu de Hanoi. Et les Américains aiment avoir des surnoms. Hana là một cái tên phụ nữ. Một cái tên Mỹ, cho nên là, thì nó đặt thế, peu importe le nom, Hana, vous savez, tôi, thì, du moment qu'ils écoutent mon émission. Quân đội phòng chính trị của bên quân đội, tức là cái phòng địch vận, đề ra cho chúng tôi một cái mục đích là notre but à nous, sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam, c'est à travers la radio vietnamienne, mang lại những cái thông tin, nous donnons des informations chiến trường, concernant les champs de bataille, sang Việt Nam thì chết rồi thì này kia, les morts des soldats américains. Par exemple, trong những cái báo sao và vạch ấy, thì nó có dans un certain journal, on annonce le nombre des morts américains et leur nom. Thì chúng tôi hàng ngày, tous les jours, nous n'avions qu'à lire quelques-uns de ces noms au micro. Này kia, mỗi ngày chúng tôi chỉ đọc dăm ba tên thôi, mà chúng tôi nghĩ cái đó nó cũng có cái tác động đến những cái người. Nous pensions que cela toucherait les soldats qui sont sur le champ de bataille. Trong những các cái câu chuyện ấy thì chúng tôi cũng có nói là nous voulions leur dire que pendant qu'ils combattent ici, người ta đang phản đối, leur peuple manifeste contre cette guerre. Anh ở đây không có được cái sự đồng tình với lại leur présence ici n'est donc pas approuvée par leurs concitoyens. Nghe thì họ cũng phải suy nghĩ, nếu như họ có thời gian thì ces mots vont leur faire réfléchir. S'ils ont un peu de temps, ils vont forcément réfléchir. Cái mục đích của chúng tôi và tôi là được giao ra để đọc, tức là làm sao để cho người lính Mỹ họ. Lorsque l'on parle aux Vietnamiens, par exemple, sur la voie du Vietnam, les choses qui sont dites aux Sud-Vietnamiens pour, par exemple, démoraliser les soldats Sud-Vietnamiens en vietnamien, ne sont pas dites de la même façon aux soldats américains. C'est un peu différent. Tôi xin nói là thí dụ như là đối với parce que on n'utilise pas le mot ennemi, les ennemis, mais on utilise notre adversaire, par exemple. Je crois que ça c'est un peu convaincant quand même. Ouais, à ce moment, hein, on évite d'utiliser le mot prisonniers de guerre, mais ce sont des pilotes capturés. C'est une subtilité de langage. Oui. Char moyen Patton M48 A3. Rayon 463 km. 47 tonnes, canon M41 de 90, mitrailleuse M1919, mitrailleuse de 12-7. Char M11 3A1 à cave. Véhicule blindé de transport de troupes. Capacité 11 hommes, vitesse 67 km/h sur route, 3,6 km/h sur l'eau. Patrol Air Cushion Vehicle. Aéroglisseur équipé de deux mitrailleuses de 7,62 et d'un lance-grenade de 40 mm. Char T-54. Équipage de 4 hommes, poids 36 tonnes, blindage de 200 mm, armé d'un canon de 100 mm, d'une mitrailleuse anti-aérienne et de deux mitrailleuses de 7,62. Goodbye, Hannah. Goodbye, Hannah. Il y a également une radio qui s'installe dès 1960 ou 61, enfin très tôt, sur les territoires sud-vietnamiens. C'est la radio du FLN, enfin du Front de Libération. Cette radio a quelle relation avec la voix du Vietnam? Oui. Et que dit cette radio? Comment travaille-t-elle? Oui. Et comment travaille-t-elle avec vous à Hanoï? La radio s'appelait la radio de Libération. Radio de Libération. Pran Lam. Et les premiers matériels techniques étaient envoyés par nous, avec les camarades du sud qui viennent au nord et puis reviennent, c'est-à-dire revenir dans le pays natal. Mais cette radio de Libération aussi, petite, mais nous disons que c'est le poivre, petit comme le poivre, c'est-à-dire piquant. Le poivre, c'est piquant. Les piquants aussi. Les petits, c'est plus piquant que les gros. Les bananes aussi, toutes petites bananes, écorces très minces, alors beaucoup plus délicieux que les grandes bananes comme ça. C'est ce que nous disons, petit poivre. Mais cette radio n'a pas la possibilité d'avoir de grands émetteurs, tout ça. Alors, nous devons, maintenant ce n'est plus un secret, nous installons au nord une radio forte et appelée aussi de libération. De libération. Maintenant, c'est, tout le monde sait. C'est un secret que tout le monde sait. Et jamais elle n'a été arrêtée et non. Jamais elle n'a cessé d'émettre cette radio du Front National. Jamais, jamais arrêtée. Jamais arrêtée. Jamais arrêtée. Continue toujours. Dans cette guerre des mots, les Américains, pour convaincre les Viet Cong d'arrêter le combat, diffusent depuis leurs avions des appels à la désertion. C'était « Les mots de la guerre », une coproduction de la communauté des radios publiques de langue française, Radio France, Radio-Canada, RTBF, Radio Suisse Romande. Une émission d'Emmanuel Laurentin avec la collaboration de Sylvain Desjardins de Radio-Canada pour les entretiens réalisés aux États-Unis et au Canada. Archives Radio-Canada et INA. Remerciements à Daniel Fenlendler, Philippe Franchini et à Jacques Danois, ancien correspondant de Radio Luxembourg au Vietnam. Équipe de réalisation, Olivier L, Perrine Kervran, Patrick Marguerite, Jean-Marc Potry, Simone Ronger, Patricia Taïbou, Marie-France Thivault. Voilà pour ce documentaire à réécouter sur le site de France Culture, franceculture.fr, à commenter sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou à suivre sur le réseau Twitter. Et puis je rappelle que ce soir, donc, Arte diffuse la série, les premiers volumes de la série de Ken Burns et Lynn Novick sur la guerre du Vietnam, Indochine, la fin, insurrection et le bourbier. Demain, nous vous parlerons non pas du son de la guerre, mais des images de la guerre du Vietnam.